Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 12 octobre 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Rebonsoir, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée de Martin Pelletier. Je reçois en deuxième partie, comme prévu, Jean-Marie Le Pen. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Et il y a pour m'aider à l'interroger, Jérôme Bourbon, pendant 45 minutes, les 45 minutes suivantes seront consacrées à une partie plus historique. Mais la première partie, c'est l'actualité. Et on va peut-être commencer par l'actualité judiciaire de Jean-Marie Le Pen. Alors, Jérôme, si vous voulez poser votre première question. Oui, alors donc, je crois que le Parlement européen a levé votre immunité dans l'affaire de la Fronée. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, ou a proposé la levée, en tout cas Elle n'a pas. L'Assemblée générale ne s'est pas encore réunie sur le sujet, mais je ne doute pas qu'elle suive sa commission juridique les yeux fermés, comme d'habitude, dans une affaire de levée d'immunité parlementaire qui concerne l'affaire de la Fournée. Je ne sais pas si les auditeurs se souviennent du fait que dans mon blog, j'avais pris à partie, en riposte d'ailleurs, trois quidam. Je crois qu'il y avait Bedos, Madonna et peut-être Noah qui nous avaient pris à partie, et en particulier menacé de quitter la France si le Front National arrivait au pouvoir. Et mon interlocutrice m'a dit « Et Patrick Bruel ?» Je lui ai dit « Patrick Bruel, il fera partie de la prochaine fournée. » Et ignorant sans avec doute Henri le Gomassia. Sens... Je me pique un peu de parler français de façon assez convenable, enfin j'espère. Et ce n'est pas le cas de tous mes compatriotes ni de tous mes contemporains. Et donc, un certain nombre de gens se sont émus de ce rapprochement entre M. Bruel et Lafournée, ce qui n'avait aucun rapport, mais enfin c'est comme ça. Et j'ai donc été dénoncé comme pour une agression. Le parquet me poursuit pour je ne sais pas quel crime habituel de racisme, je ne sais pas quoi. Bref, la commission s'est réunie. Je dois dire que le professeur Le Breton, qui est un député du Front National, professeur de droit, a dit « Écoutez, moi je suis docteur en droit et docteur en lettres, je puis vous affirmer » que cette locution n'a strictement aucun rapport avec les problèmes de la Deuxième Guerre mondiale, ni quelque racisme que ce soit. Il n'a pas été suivi, puisque je crois qu'il n'y a eu que 4 députés à voter contre la levée d'immunité parlementaire, laquelle sera soumise à l'Assemblée générale, qui, sous la présidence de Schulz qui pue, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Eh bien, Schulz qui pue va certainement diligenter très rapidement le dossier de façon à ce que la correctionnelle puisse enfin en connaître. Mais je dois dire que j'ai quand même plus confiance dans le jugement des tribunaux français que dans celui du Parlement européen, pour lequel j'éprouve, après 32 ans de présence, un assez profond mépris. Oui, il y a quand même 4 personnes qui ont été corrigées dans l'affaire. C'est quand même pas mal pour le Parlement européen. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Rien n'est perdu, tout est perdu, fort l'honneur. Mais à quoi est due cette espèce c'est plus que du politiquement correct au Parlement européen. Quoi c'est dû cette espèce de... Je crois que le Parlement européen s'est laissé entraîner progressivement par le complot de l'administration qui désormais tire toutes les ficelles. Et il y a une espèce de complicité qui s'est établie entre la lâcheté naturelle des parlementaires et le désir de pouvoir de l'administration européenne, européiste. Il ne faut pas oublier que dans cette affaire, on règle un compte politique. Moi, je suis un eurosceptique. Je l'ai toujours été, puisque j'ai même voté en 1957. Contre le traité de Rome. C'est vous dire, j'étais un précurseur. Mais il y avait à cela une raison, c'est que moi j'avais lu les livres de M. Koudenov-Kalergi et de M. Monnet. Et ceux-ci disaient très clairement que ce traité était la première marche d'un escalier qui allait nous conduire aux États-Unis d'Europe, c'est-à-dire à un État qui, évidemment, se construirait sur les débris, sur les décombres des nations existantes, dont la France. Et comme je ne souhaitais pas que la France soit détruite pour permettre les éventuels États-Unis d'Europe, j'ai voté contre. Donc, alors je suis un eurosceptique, et les gens qui me jugent sont des eurolâtres. C'est-à-dire des gens qui vivent, en tous les cas, de l'affaire européenne, que ce soit l'administration, où je tiens à vous le dire, on vit bien, on a de confortables salaires, ou traitements, c'est plus élégant. Et puis les parlementaires, qui, ma foi, trouvent que c'est pas si mal. Mais je puis vous dire, par exemple, en m'excusant d'être long sur le sujet, que Schulz qui pue avait un assistant, lequel était en même temps directeur de l'office de tourisme du Parti Socialiste Allemand, je crois que c'était à Düsseldorf, je ne sais où. Eh bien, évidemment, il était le premier à tomber sous le coup des révisions qui sont actuellement en cours, et dont le Front National est à peu près la seule cible, il faut le dire. Eh bien, je viens d'apprendre qu'il avait un non-lieu. C'était plus gentil comme ça. C'est bien. C'est rassurant. Où en est l'affaire des quelques 320 000 euros que vous réclame le Parlement européen là-haut? C'est extraordinaire. Alors, n'est-ce pas, le groupe le Front National et tout spécialement ces trois députés de l'ancienne mandature sont la cible d'une démarche que je qualifie de mirobolante, qui consiste sous le nom de répétition de l'indu à exiger du parlementaire le remboursement du salaire d'un de ses assistants, lequel est réputé ne pas avoir travaillé pour le député en question. À noter au passage que ça serait au Parlement à faire la preuve et à sa police, parce qu'il y a une police qu'on appelle Gestapolaf, n'est-ce pas? C'est les mauvaises langues qui disent Gestapolaf, oui. Elle s'appelle Olaf. Olaf. Une police européenne qui est aux ordres, semble-t-il, du Parlement européen, est chargée de veiller à l'éthique de l'institution et à ses intérêts. Alors, donc, on me réclame 320 000 euros, comme cela, de façon administrative, parce qu'il n'y a pas de jugement, il y a rien de tout ça. Autrement dit, aucun tribunal français, aucune cour d'assises, même dans les cas criminels les plus extraordinaires, ne donne une telle amende, parce que c'est d'une amende qu'il s'agit. Alors je crois que moi, je suis taxé à 320 000, Marine Le Pen à 366 000. Ah, quand même. Elle a une petite longueur d'avance. Mmh. Et puis Gollnisch à 250 000. Petit dernier. Ce qui le fait craindre beaucoup d'avoir à vendre sa maison pour payer le Parlement européen. Alors, bien sûr, il y a des voies de recours. Mais ces voies de recours, généralement, se heurtent aux mêmes obstacles que toutes nos démarches. Et puis, plus tard, nous irons devant le tribunal de la Cour de Luxembourg, puis éventuellement devant la Cour de Luxembourg, étant entendu que ces deux tribunaux, ces deux ordres juridiques sont européens et donc européistes. Nous avons donc tout à craindre de cette démarche, qui est une démarche de persécution, je le dis très clairement, et qui, d'ailleurs, persécution qui s'étend à tous les domaines. Par exemple, dans un domaine de remboursement médical, on me demande des documents médicaux qu'on ne demande à personne d'autre. Mais je crois qu'il y a la consigne est donnée pour les embauches de parlementaires, pour le traitement des parlementaires. Quand il s'agit des gens du Front National, il faut sévir. Et on sévit, alors mais nous nous battons. Parce que je crois que dans ce domaine comme dans d'autres, je considère que accepter l'injustice en ne disant rien, c'est s'en rendre complice. Et comme grande partie de ma vie, s'est orientée dans la lutte contre l'injustice, y compris quand j'en suis la victime, je combats. Alors, y compris devant les institutions judiciaires. Oui, justement, parce que vous priez de la frôner tout à l'heure, et il semble que c'est quand même été le début du processus d'éviction du Front National, semble-t-il, les prodromes de cette volonté de vous éjecter, en quelque sorte, semble-t-il. Oui, ouais. C'est pas le Front, la nation, n'oublions jamais, que l'un des promoteurs de cette Union européenne avait dit le seul obstacle, c'est la nation. Il faut donc détruire la nation. Et nous, comme nous pensons, comme nous sommes nationalistes, comme nous défendons la nation, la patrie, eh bien nous sommes des ennemis mortels. Et nous sommes combattus comme tels, non pas dans les règles de la démocratie dont on se part assez volontiers, mais avec toutes les méthodes de combat les plus vicieuses. Et alors, le 5 octobre, vous étiez au tribunal de grande instance de Nanterre pour essayer d'obtenir l'annulation... Ah, c'est une autre... Voilà. Si j'ose dire, c'est une autre paire de manches. Voilà. Sur un autre terrain, ce n'est plus... Sur le terrain du parlementaire européen, j'étais en quelque sorte à côté de Marine Le Pen et de Gollnisch et de quelques autres députés du Front National. Là, c'est un petit peu différent, puisque j'actionnais le Front National en la personne de sa présidente, bien sûr, pour combattre l'exclusion dont j'ai été la victime, qui n'est pas consentante du tout, et qui estime que président d'honneur, nommé par le Congrès, je le précise, fondateur du mouvement, dirigeant de ce mouvement pendant 40 ans, il me semblait que j'avais droit à certaines considérations. Eh bien non, j'ai été sacrifié sur l'autel de la... comment dit-on ? Normalisation ? La normalisation, c'est ça, de la dédiabolisation. Et on a cru, parce qu'on n'obtiendra rien en échange de ma peau, mais on a cru qu'en donnant ma peau, eh bien, somme toute, on aurait sans doute quelques indulgences supplémentaires. Non, on n'a qu'un peu de mépris supplémentaire, pas beaucoup d'indulgences. Voilà, c'est normal. Mais alors moi, comme je ne le considérais pas comme tel, j'ai donc actionné pour demander au tribunal de grande instance, juge en quelque sorte suprême des associations, de bien vouloir révoquer cette décision, annuler la décision d'exclusion, et de telle manière que je redevienne l'adhérent à 1000 euros, d'ailleurs, je tiens à le rappeler, l'adhérent à 1000 euros que j'étais. Parce que... Ah oui, c'est quand même... Voilà. Alors, j'ai eu mon avocat, maître Joachim, qui a été très brillant, qui a exposé, bien que ce soit une procédure écrite, n'est-ce pas ? Ah oui. Néanmoins, les avocats, il faut leur faire une petite place, ont eu droit à chacun 45 minutes, le mien les a employés avec brio. Et puis, tout le monde a été très étonné, y compris la presse de gauche, de voir apparaître un avocat qui n'est pas très connu. Pour le Front National, c'est monsieur Maître Sauveur, je crois, lequel j'ai cru à un moment donné que c'était l'avocat de la LICRA ou du MRAP, puisqu'il a commencé sa plaidoirie en parlant du tribunal de Nuremberg et des procès dont j'avais été accablé sous l'accusation de racisme ou de complicité, de crimes de guerre, enfin ce que je sais. Et je vous dis, même la presse de gauche s'est étonnée de voir le choix qui avait été fait de ce nouvel avocat. Qui reprend la rhétorique de l'adversaire. C'est ça. Tel quel. C'est ça, c'était... voilà, Jean-Marie Le Pen, il m'était essentiellement reproché le détail. Parce que j'avais dit une formule, mais je ne sais pas si je peux la redire sans risquer de retomber une fois de plus sous le coup de la loi, mais enfin une formule où j'employais le détail dans un terme, dans une acception qui est classique. Je voudrais apporter là une précision, mais qui en dit long sur la manière dont cette matière est traitée. C'est que le Larousse, qui est en quelque sorte la référence, le dictionnaire de base, avant l'histoire de Le Pen et du détail, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, l'acception minorative venait en cinquième position dans l'expression, d'ailleurs limitée à « ce n'est qu'un détail ». Ce n'est qu'un détail. Ce n'est qu'un détail. Alors que dans la nouvelle édition du dictionnaire, Larousse, l'interprétation du tribunal vient en numéro un. Ah, c'est extraordinaire. Autrement dit, c'est extraordinaire. Le dictionnaire français s'est aligné sur la doxa judiciaire partisane du gouvernement. Ça veut dire que non seulement la justice écrit l'histoire, mais qu'elle écrit aussi la lexicographie. Absolument. C'est remarquable. Absolument. C'est grandiose. Jérôme, peut-être sur les rapports entre Jean-Marie Le Pen et le Front National, vous voulez venir, oui, ou encore le judiciaire? Où en sont vos rapports, si rapports il y a, avec la direction actuelle du Front National? Écoutez, pour l'instant, nous sommes sur ce terrain judiciaire où j'attends avec une certaine confiance la décision des juges, puisqu'aussi bien, c'est la quatrième instance, j'ai gagné les trois autres, n'est-ce pas, dont celui qui, la décision qui a suspendu le congrès postal qui avait été initié et qui était une consultation des adhérents du Front National et qui, à qui il était demandé en particulier de supprimer l'article qui avait été inséré par le congrès créant une présidence d'honneur. En précisant, bien sûr, que ça ne pouvait pas toucher mon cas, puisque j'ai été nommé président d'honneur, mais que ça pouvait peut-être empêcher Marine Le Pen de devenir présidente d'honneur. Alors, c'est une espèce de formule kamikaze, si j'ose dire. Et donc, j'ai gagné ce procès, il y a eu un appel, je l'ai gagné aussi, puis je ne sais plus quelle autre encore instance judiciaire qui m'a jusqu'ici été favorable. Je croise les doigts, car en matière de justice, en France, il ne faut jurer de rien. Alors j'ai lu que Florian Philippot disait que vous n'aviez aucune chance de gagner cette fois-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, monsieur Philippot, je crois, n'a pas fait Sciences Po. Ce serait à inscrire, en quelque sorte, à son actif. Il a fait HEC. Je ne sais pas si dans les études commerciales, on vous initie à ces finesses juridiques, mais enfin, il a peut-être quelques raisons de le croire. Je ne sais pas en quelle loge cela aurait été décidé de façon définitive, mais peut-être a-t-il des informations que je n'ai pas. Alors, vous, en dehors de ce débat, même ce combat judiciaire, vous avez fait quelques déclarations dans lesquelles vous souhaitiez la réunification du Front National et vous tendiez la main. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là et comment êtes-vous reçu? Les élections de 2017 seront peut-être les dernières qui pourront se dérouler dans un climat de liberté politique relative. Et dans ce combat, eh bien, il semble que le Front National occupe une position exclusive, en quelque sorte. Donc, les gens qui peuvent légitimement critiquer le Front National doivent le faire en ne perdant pas de vue, tout de même, qu'il y a au-dessus de cela l'intérêt national. Et éventuellement, je suis pour ceux qui sont prêts à sacrifier sa légitime fierté et son honneur de base à l'intérêt national, si toutefois cela pouvait se démontrer. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que le Front National est un candidat qui gagne l'élection présidentielle, mais j'ai bien rappelé que pour gagner l'élection présidentielle et pour incarner en quelque sorte le courant national dans son ensemble, eh bien, il fallait d'abord refaire l'unité du Front National. C'était sine qua non. Si la proue du navire est fêlée, il y a peu de chances qu'il gagne la course. Et ce sera bien sûr très dur. Et Marine Le Pen et les candidats du Front National ont l'occasion de s'apercevoir que le sacrifice qu'ils ont fait du président d'honneur du Front National ne leur rapportera aucun avantage. Cependant, moi, je ne veux pas être responsable de la défaite du camp national. Par conséquent, je ferai tout ce qu'il est possible en respectant non seulement mon honneur tout de même, mais celui de tous ceux qui ont partagé ma position et que je remercie ici du soutien qu'ils m'ont apporté dans l'extrême difficulté, parce qu'il suffit quelquefois d'être vu à mes côtés pour être l'objet d'une exclusion ou d'une instance d'exclusion. Ce qui s'est passé au 1er mai, notamment. Ça s'est passé au 1er mai, mais des gens qui ont pris position ou simplement m'ont manifesté ou témoigné leur sympathie, leur amitié, eh bien, ont été la cible d'exclusion ou de tentative d'exclusion. Alors, vous avez évoqué récemment également le fait de soutenir ou d'investir ou d'appuyer la candidature à des législatives, aux législatives de candidats. Voilà, c'est-à-dire que pour répondre aux aspirations d'un certain nombre de nos amis, qui sont très nombreux, nous avons créé les comités Jeanne au secours, les comités Jeanne, qui n'ont pas pour objectif de présenter des candidats, mais de donner un label, le leur, aux candidats qui leur paraîtront remplir les conditions nationales. Et ce peut être d'ailleurs des candidats du Front National, mais aussi, à la limite, ce peuvent être d'autres candidats qui bénéficient de cette étiquette, en quelque sorte, que peut-être sera favorable aux yeux des électeurs, disant, voilà, nous attestons que cette personne mérite le label de Jeanne. Jeanne étant la personnalité emblématique de la patrie française, de sa volonté de libération du territoire et de liberté de notre nation. Et donc, par conséquent, ça n'est pas une opération électorale, mais c'est une opération politique. De parrainage. C'est ça. Donc ça peut aller au Parti de la France, ça peut aller à la Ligue du Midi, ou à n'importe quoi. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, le Parti de la France a accueilli favorablement cette initiative et a apporté son appui. Je pense qu'il y a d'autres organisations qui seront entraînées dans ce même mouvement, d'autant que je comprends très bien qu'on ne puisse pas être d'accord sur tout. Et nous sommes en désaccord sur un certain nombre de points avec d'autres organisations, des journaux, des cercles, bref. Mais si nous avons en commun une volonté moyenne de sauvegarde de notre pays, eh bien nous devons essayer de tout mettre en œuvre pour que tous soient unis contre l'ennemi, contre l'adversaire, le jour venu. Donc ce n'est pas une opération, comme certains l'ont dit, contre le Front National, absolument pas. Pas du tout. Nous espérons même que c'est une opération qui se fera avec le Front National et d'autres, mais avec le Front National. Mais il peut y avoir peut-être des circonscriptions où il y ait deux candidats, un candidat du Front National et un candidat Jeanne au secours. Ça, c'est possible en soi. Ah ben oui, ça sera peut-être possible. Où y aura-t-il lieu, soit à un arbitrage, soit après tout, nous pouvons donner deux labels à deux personnalités différentes et concurrentes. À propos des relations avec le Front National, il y a quelque chose que je voudrais bien établir. Vous, dans le cadre de la campagne présidentielle, vous garantissez un prêt au Front National et à Marine Le Pen. Oui, ce n'est pas moi, c'est Cotelec. Cotelec est une organisation qui a fait ses preuves depuis 20 ans et qui s'est toujours conduite d'une manière absolument indiscutable et remarquable et qui a rempli l'office que ne remplissent pas les banques françaises qui trahissent leur mission en refusant des crédits électoraux aux candidats du Front National. Eh bien, nous avons fait appel à l'épargne publique et obtenu ainsi des capitaux qui nous permettent de financer les campagnes électorales. Et nous, ainsi, nous avons financé les campagnes électorales de régionales, européennes, récentes du Front National, et que nous financerons, si ça nous est demandé, les campagnes, et dans la limite de nos possibilités, les campagnes électorales présidentielles ou législatives. Alors, il y a quelques jours, on a appris que, pour ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Jeanne, un certain nombre de dirigeants du Front National... Ah, c'est pas la même... Oui, c'est pas la même chose, pas la même chose. C'est pas la même Jeanne. Non, c'est pas la même Jeanne. Voilà. Et alors, j'ai vu que les deux principaux dirigeants du Front National qui étaient mis en examen, c'est Valéjean Saint-Just et Jean-François Jalck, qui avaient voté votre exclusion. Je me suis demandé si c'était pas la malédiction de tout oncle Pen qui avait frappé. C'est possible. Mais ce qui est plus piquant encore, c'est que Monsieur Jalck, qui a été le président du tribunal qui m'a condamné, est aussi l'assistant pour lequel il m'est demandé de verser 320 000 euros. C'est piquant, oui. C'est assez... il y a comme ça des ironies de l'histoire. Alors, Jérôme, vous avez posé toutes vos questions. L'actualité politique étrangère, je vous laisse poser des questions. Que pensez-vous? Vous avez manifesté à plusieurs reprises de la sympathie pour Donald Trump, qui est effectivement un personnage assez haut en couleur. Et que pensez-vous des attaques très violentes contre lui, y compris de la part du Parti républicain qui est censé le soutenir? Oui, j'ai fait un tweet sur le sujet, d'ailleurs. J'ai dit que la trahison des élus républicains s'appuyant sur des dires qui ont 15 ans d'âge était abjecte, je le pense. Et je dois dire que la sympathie que j'éprouve pour le candidat Trump est largement inspirée par la personnalité et les arguments de ses adversaires. Je dois dire, quand on a de tels ennemis, on ne peut pas être tout à fait mauvais. D'ailleurs, j'ai donc souhaité, pour ma part, la victoire de Trump aux élections présidentielles, qui serait, il faut le dire, un formidable coup de pied au cul donné à l'établissement américain et mondialiste en général. Trump est certainement un homme qui a des défauts, qui n'a pas l'habitude de ce genre d'exercice, puisqu'il fait plutôt dans l'immobilier que dans la politique, mais qui courageusement fait front à la meute, on peut dire déchaînée, de tous ceux qui sont aussi nos ennemis. C'est ce qui fait, en tous les cas, la base de ma sympathie, c'est que j'ai les mêmes ennemis que Trump. De ce point de vue-là, vous vous reconnaissez un peu en lui. Mais ils sont mes amis. Oui. C'est-à-dire, d'aucuns disent que c'est le Jean-Marie Le Pen américain. Beaucoup de gazettes l'ont dit. On a dit ça, c'est peut-être excessif, mais je trouve qu'en tous les cas, l'homme démontre que quand on a de la volonté et du courage, on peut faire front à un ensemble de forces réputées jusque-là considérables et invincibles. Et je dois dire que je n'ai pas du tout partagé en ce qui me concerne le sentiment des observateurs qui ont donné la victoire à Madame Clinton dans le deuxième débat, celui que j'ai pu voir. Moi, personnellement, si j'avais été l'arbitre de ce combat de boxe, il faut dire assez virulent, assez violent, mais ça, c'est l'Amérique, n'est-ce pas, et ses libertés, avec ses risques, mais, eh bien, j'aurais donné Trump vainqueur. Vainqueur au point. Mais... Au point avec un T ou avec un G? Avec les deux, mon général. Et est-ce que vous pensez, toujours en politique étrangère, les violentes déclarations de Hollande sur Poutine, la Russie, et Poutine qui finalement annule sa visite en France, qui était prévue? Qu'est-ce que vous inspire cet événement? Poutine est plus adroit que Hollande. et qu'il a assez bien paré le mauvais coup qu'on lui préparait. Et tout le monde sait qu'il faut parler avec les Russes, que ce que j'appelle, moi, l'appel l'Europe boréale, c'est-à-dire l'union, en tous les cas l'association étroite de tous les pays de Brest à Vladivostok, est nécessaire à leur survie. À leur survie démographique, d'abord, qui est la principale donnée, sans doute, du problème, à leur survie militaire aussi, politique, en remplacement de cette Union européenne qui s'est révélée être le soviet de l'Europe. Et la diabolisation de la Russie et de Bachar el-Assad pour ce qui se passe en Syrie, qui reprend de plus belle dans les médias. Mais écoutez, si on écoute la presse française, à tous les coins d'articles, si j'ose dire, quelquefois assez perfidement, il est toujours sous-entendu que les coupables des événements qui se déroulent dans le Moyen-Orient sont la Russie et le régime de Bachar el-Assad. Et on crédite toujours, d'ailleurs, des 220 000 morts. Ben, c'est Assad. Et il me semble que dans une guerre civile, le bilan des morts se partage entre les belligérants. Et qu'on ne peut pas exclure, en tous les cas, la responsabilité de ceux qui ont déclenché le soulèvement. Mais il est vrai que certains d'entre eux sont soutenus par les États-Unis, ce qui rend l'affaire très ambiguë, parce que les États-Unis combattent, disent-ils, Daesh, mais en même temps soutiennent des rebelles au gouvernement d'Assad qui ne seraient pas de Daesh. Bref, tout ça est très complexe. On sait le rôle qu'ont joué les services secrets américains dans ce qui a été appelé les printemps arabes, politique extrêmement douteuse et dont les catastrophiques résultats apparaissent devant nous, aussi bien en Syrie qu'en Libye ou dans les pays africains qui sont contigus. Alors, je pense que, assez clairement, la Russie est revenue au premier plan de l'action diplomatique et de l'activité politique dans le monde. C'est assez heureux, à mon avis, car la Russie est un très grand pays. C'est aussi le plus grand espace géographique, géopolitique du monde. Et que si la Russie n'arrivait pas à surmonter ses difficultés, eh bien nous en serions tous les victimes, parce que je crois que notre sort, le sort de ce continent est lié, et que sa faiblesse démographique en particulier en fait trois pour ses ennemis. Et d'ailleurs, en Syrie, pour revenir à la Syrie, les seuls résultats obtenus sur le terrain l'ont été par la Russie et pas par quelqu'un d'autre. C'est vrai. Et en ce qui regarde ce dont vous parliez, c'est-à-dire Al-Nusra notamment, et qui maintenant est soutenu sous un autre nom, parce qu'il a changé de nom, mais il faut se souvenir quand même que Laurent Fabius, il y a un an et demi, disait qu'elle faisait du bon boulot, c'était son terme. Oui, absolument. Donc, mais là, n'oublions pas non plus la position qui fut celle de M. Juppé, ministre des Affaires étrangères de M. Sarkozy, quand les blindés de Kadhafi montaient pour donner l'assaut à Benghazi, qui était, on peut dire, le nid du djihadisme, n'est-ce pas ? Eh bien, il avait des larmes dans la voix en disant « il va y avoir un bain de sang épouvantable, attention, attention !» Et c'est l'aviation française qui a cloué les blindés de Kadhafi et sauvé les djihadistes. C'est donc le gouvernement français, c'est Juppé, qui a sauvé les djihadistes et qui est donc responsable en grande partie de la situation actuelle dans ce malheureux pays. Alors, bien sûr, c'est vrai, comme l'Irak, c'est un pays gouverné de façon autoritaire et même souvent brutale. Mais à mon avis, tout de même, la dictature telle qu'elle était vécue par ces pays était très supérieure au chaos sanglant qui lui a succédé. Il est 8h05, vous écoutez le Libre Journal de la liberté surveillée de Martin Pelletier, qui reçoit actuellement Jean-Marie Le Pen. Jérôme Bourbon est là pour m'aider à l'interroger. Il restera d'ailleurs s'il le souhaite et s'il le peut jusqu'à la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous le pouvez. En attendant, je vous lis quelques réactions. Pour une fois, on ne se fait pas engueuler. Alors c'est très bien. Je suis ravi d'entendre Monsieur Le Pen. Il n'y a pas beaucoup d'hommes comme vous. Monsieur Pelletier, je vous remercie d'avoir invité Monsieur Le Pen. C'est un ravissement, un bonheur. Ça, c'est un gueulot pour moi, mais ça n'a rien à voir. Monsieur Pelletier, vous n'avez pas de mémoire. Monsieur Sarkozy n'est pas à droite, mais à gauche. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Allons. Alors, cher Jean-Marie Le Pen, mon conjoint a reçu récemment sa carte Jeanne au secours et nous attendons à présent avec impatience un comité local sur le Havre. Voilà, que Dieu vous garde et vous prête longue vie. Voilà, c'est tout. Le reste, ce sont des considérations. Je précise que je serai à Grimaud. À Grimaud, samedi, où je préside un déjeuner débat dans le Var, donc, où je pense qu'un certain nombre de nos amis se feront un grand plaisir de se retrouver. Est-ce vrai à ce propos ce qu'on a lu dans la presse, comme quoi la mairie Front National de Fréjus avait jugé votre venue indésirable ? Vous avez des informations là-dessus ? Non, je n'ai pas d'informations particulières. Je n'ai pas de mauvais rapport avec le sénateur Racheline. Ça m'étonnerait un peu de sa part, mais mon Dieu, on sait qu'en politique, il ne faut jurer de rien. Oui, il a été nommé directeur de campagne. Oui, David Racheline a été nommé directeur de la campagne. C'est un jeune sénateur de PACA, région où je rappelle tout de même que j'ai fait 33% aux élections européennes et où j'ai passé 5 députés, dont notre ami Gollnisch, évidemment, Madame Arnautu, Madame Dornano et un autre élu de Savoie. Alors, Monsieur Le Pen, à propos de la Syrie et du Liban, Monsieur Le Pen, il est cocasse de voir ceux qui, il y a 20 ans, avaient vendu le Liban au régime syrien de la famille Assad sans aucun cas de conscience, et ces mêmes gens s'érigent aujourd'hui en pourfendeur de ce régime, au nom des grands principes. Merci d'être resté intègre. Oui, c'est vrai, la position des Français, je dirais, dans leur ensemble sur ces questions du Moyen-Orient, n'est tenue par aucun principe directeur. En Irak, en Irak, là, que vous connaissez bien, on a viré Assad et on a ce faisant. Saddam Hussein, pardon, et on a ce faisant provoqué non seulement l'anarchie, mais la montée de tous les extrémismes. Enfin, c'est clair comme de l'orge. Bon. Oula, c'est trop long. Quelqu'un a rappelé, je ne sais pas, ce matin, tout de même, je voyais un débat où on rappelait que Saddam Hussein avait été le protecteur des chrétiens, et Saddam Hussein. Saddam, bien sûr. Les régimes, d'ailleurs, on voit bien que les cibles actuelles sont les régimes arabes laïcs. Voilà, les bassistes. Ce sont eux que l'on veut abattre, et il est évident que si en les abattant, on faisait la partie belle à leurs ennemis musulmans, islamistes. Islamistes, à leurs ennemis islamistes. Et je dois dire que c'est pour ceux qui, comme moi et comme vous, ont connu l'Irak avec ses grandeurs et ses faiblesses. C'est un grand pays, un élément d'équilibre de cette partie du monde et où il a été mis un désordre sanglant dont les Occidentaux portent très largement la responsabilité. Vous avez une autre question politique étrangère ou... Oui, peut-être une dernière qui date un petit peu, enfin très peu. Que vous inspirent les louanges dithyrambiques qui ont suivi la mort à 93 ans de ce président israélien, Shimon Peres? Oui, Shimon Peres a une vie longue et par conséquent, il est exposé à des jugements qui peuvent être sévères sur ses évolutions. Il a commencé comme terroriste, indépendantiste en quelque sorte, si j'ose dire, d'Israël, et puis il a fini dans les honneurs suprêmes, puisqu'il a été président, il a été chef de gouvernement, il a été ministre. Mon Dieu, on ne tirons pas sur les corbillards dans notre famille politique, donc je ne connais pas suffisamment les ressorts et les détours de l'action dans ce pays, il faut bien le dire, qui est un pays clé du monde, et qui maintient alors sévèrement son nationalisme et son patriotisme exclusif en n'accordant pas toujours aux autres. On peut peut-être revenir quelques minutes sur la politique intérieure. Je voulais avoir votre avis sur les primaires à droite. Est-ce que vous pensez que les jeux sont faits ? Est-ce que on a quand même le sentiment que les médias soutiennent vraiment Alain Juppé ? D'abord, je voudrais dire que je suis profondément hostile à l'instauration de ce système des primaires, qui me paraît être contraire à la Constitution française. Et ce système, visiblement inspiré et copié sur les États-Unis d'Amérique, où d'ailleurs le système lui-même est presque incompréhensible, il faut le dire, en tous les cas le moins qu'on puisse dire bizarre, mais l'instauration de primaire à droite, de primaire à gauche, de primaire écologique, remet en quelque sorte entre les mains des partis l'ouverture du débat présidentiel, ce qui me paraît contraire à la Constitution. Car, en effet, celle-ci dispose qu'il s'agit d'hommes et de femmes qui veulent établir, qui établissent un lien direct avec le peuple français par l'élection au suffrage universel. Ce sont là, c'est l'esprit de nos institutions. Et vouloir introduire un échelon ou deux échelons supplémentaires entre la volonté populaire et la désignation du chef de l'État me paraît détestable. Je sais quel en est le but, c'est d'occuper le terrain médiatique. Grâce à cette compétition, nous avons droit tous les jours que le bon Dieu fait à M. Sarkozy, M. Juppé, M. Le Maire et même dans le fond de la salle, Mme Kosciusko-Morizet. Oui, et c'est non seulement à l'esprit des institutions, mais à la volonté explicite du fondateur de la Ve République, oui, qui en espèce était De Gaulle et qui en espèce ne pensait pas mal puisqu'il voulait justement en finir avec le régime désastreux des partis. Voilà. Alors, sur les résultats eux-mêmes, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il est très difficile, me semble-t-il, de savoir comment ça va se passer. Non. Écoutez, si... En essayant en se prêtant à ce jeu qu'adorent les journalistes, à savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Voilà. Généralement, il suffit d'attendre pour le savoir. Demain. Bon, ça serait plus sage. Mais il me semble que malgré, ou peut-être à cause des pronostics qui favorisent très clairement M. Juppé, qui aurait l'avantage, lui, d'être à la fois de droite, du centre et de gauche. C'est pas ? Et je pense que l'habileté, l'énergie et l'activité de Sarkozy finiront par en faire le vainqueur de cette consultation. C'est votre sentiment. C'est mon sentiment, comme cela. De la même manière que je pense que Trump va gagner, je pense que Sarkozy va gagner la primaire de droite. Mais je m'expose, ce faisant, je le sais, à être contredit par les événements. Mais je n'en aurai d'ailleurs aucune amertume. Ce n'est pas bien grave. Sur les primaires, moi j'aimerais vous poser des questions qui sont plus liées à la société. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, beaucoup heurté, c'est l'attaque brutale, violente, barbare de quelques jeunes gens contre des policiers dans l'Essonne. Qu'est-ce que vous avez regardé les vidéos, ça vous a frappé ou pas ? Il y a une chose qui m'étonne. mais peut-être correspond-elle aux informations dont disposent les services de renseignement. À savoir que ces actions auraient pour but de déclencher une riposte meurtrière qui pourrait servir de prétexte à une agitation de masse. Car il semble que les forces de police n'obtiennent pas le respect qu'elles méritent parce qu'elles ne font pas usage des moyens légaux qui sont à leur disposition. Bien sûr, je n'ai pas vécu cet épisode tragique de ces malheureux enflammés, mis en flamme dans leur voiture, mais je me suis étonné qu'aucun d'entre eux n'ait tiré à travers les portes sur les agresseurs. Je sais bien que c'est facile de dire ça quand on a les vêtements en feu et qu'on est asphyxié, mais je sais pas. Je ne vois pas de réflexe de défense qui rende la police et la gendarmerie respectables par les délinquants et les criminels. Autrement dit, autrefois, il existait un élément fondamental de l'ordre public qui était la peur du gendarme. Or, il semble qu'on n'ait plus peur du gendarme parce que le gendarme n'a pas le droit d'utiliser son bâton, ni son revolver, ni son fusil. Et il me semble que ça n'est pas normal. Et il est tout à fait inquiétant que des commandos d'hommes cagoulés puissent tenter d'assassiner de façon délibérée et cruelle des membres des forces de l'ordre sans que ceux-ci ne soient immédiatement soumis à une rétorsion brutale. Et malheureusement, il semble qu'on n'ait même pas réussi à les détecter. À les identifier, ni à les identifier, ni à les arrêter. Alors, je dois dire qu'il y a quelque chose qui me choque aussi. C'est d'entendre le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre, voire le président de la République, demander que les sanctions soient très sévères ou soient très exemplaires. Non, c'est la justice qui en décidera. Le parquet peut en effet exprimer des réquisitions très sévères. Pour ma part, je souhaiterais qu'il puisse exprimer la revendication de la peine de mort. Parce qu'il me paraît que quand il y a des assassins, ceux-ci doivent risquer la peine de mort. Et que la suppression de la peine de mort a été une régression de la civilisation. Car elle a mis sur le même pied des crimes d'importance totalement inégale. Et il faut que la répression corresponde moralement et presque géométriquement au crime. Or, il n'y a plus pour les crimes suprêmes de sanctions. Puisque pratiquement, la sanction principale, maintenant, c'est 20 ans de prison, en sachant que celui qui est condamné à 20 ans de prison en fera 10, ce qui n'est pas dissuasif. Alors, il y a la peine incompressible, mais c'est vrai que, de toute façon, l'échelle des peines est complètement écrabouillée. Complètement démantelée. Donc, je crois que les consignes qui sont données à la police, qui sont des consignes de rétention de leur riposte, correspondent peut-être. C'est la seule réserve que j'observe. Peut-être les services de renseignement ont-ils la conviction que l'ennemi Daesh cherche à provoquer un incident sanglant avec de nombreuses victimes de son côté, de telle manière qu'il puisse susciter un soulèvement, en quelque sorte, de la population et en particulier de la population des cités. Mais sous cette réserve, je pense que la fermeté doit s'exercer non pas seulement dans les discours, mais dans les actions. Et quand, même dans les discours, quand le ministre de l'Intérieur qualifie de sauvageons des gens qui tuent par le feu des prisonniers, il y a là, je pense, une erreur de qualification dont le ministre aurait dû s'excuser auprès de l'opinion. Comment ? Ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait. Comme il est moins cultivé que chevènement, il ne sait même pas ce que veut dire sauvageon au point de vue étymologique, c'est-à-dire un arbre non greffé. Il a dit « Oui, je voulais dire que dans sauvageon, il y a sauvage. » Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. En fait, il ne connaît pas sa langue et il a dit quelque chose d'horrible. Si j'étais policier, moi, je l'aurais mauvaise quand même devant un tel ministre. Oui, c'est un petit peu comme La Fournée, ça. Oui. Mais quand c'est monsieur Lanzmann qu'il utilise à propos dans l'affaire de la mort d'Elie Wiesel et de Rocard, et dit Dieu a sans doute fait une fournée. Mais la réponse, c'est oui, mais quand c'est monsieur Lanzmann qui le dit, ça n'a pas le même sens que monsieur Le Pen. Parce que vous êtes mauvais et qu'il est bon. Comment ? Parce que vous êtes mauvais et qu'il absolument, est bon. Absolument, absolument, absolument. Jérôme, une question politique intérieure encore ? Ou on passe à autre chose ? On peut passer à autre chose. Ah, moi, j'en avais encore une. Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire Bailey ou pas ? L'affaire ? Bailey, Jean-Michel Bailey, le veau sous la mer. Il y a une élue. Oh, le Bailey ! Alors, vous savez qu'il y a une élue écologiste du Calvados, Isabelle Attard, qui l'accuse d'avoir frappé brutalement une de ses collaboratrices et de l'avoir déshabillée et jetée dans la rue. Voilà, c'est dans une séance de l'Assemblée nationale. Et ça s'est passé le 11 octobre, enfin la séance, et jusqu'à aujourd'hui, personne n'en a rien su. Je me demande ce que fait la presse mainstream, comme on dit, la presse grand public. C'est la solidarité médiatique, tout de même, parce que M. Jean-Michel Bailey a hérité de maman et de papa. Un journal, même plusieurs journaux, peut-être. Un groupe de la Dépêche. Ouais, un groupe de journaux, et on ne peut tout de même pas traiter un confrère comme on traite un citoyen ordinaire. Encore que il conviendrait que les donneurs de leçons éditoriales en fassent profiter largement les citoyens. Et les citoyennes. Il est 20h22, vous écoutez le Libre Journal de la Liberté Surveillée. Je reçois ce soir Jean-Marie Le Benne. Je crois qu'il va être temps d'une publicité pour Radio Courtoisie. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 6 novembre, nous célébrerons le 29e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 6 novembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour, à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2016 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016, Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 6 novembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour, à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre. Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. La vision. Et ben voilà, vous écoutez toujours Radio Courtoisie, le Libre Journal de la Liberté Surveillée. Et nous allons passer à la deuxième partie de cet interrogatoire. Ce qu'on pourrait appeler bilan et perspectives. Jean-Marie Le Pen, on va vous poser quelques questions sur votre carrière, vos espoirs, votre avenir et vos valeurs. C'est un mot que j'aime beaucoup, le mot valeur. Alors, vous avez été élu pour la première fois député en 56. Vous le rappeliez d'ailleurs tout à l'heure, c'était il y a 60 ans. Deux questions toutes bêtes. La situation politique, c'était mieux maintenant c'était mieux alors ou maintenant? Et à votre avis, qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui a le plus changé? Je crois que sur la pente de la décadence, la France n'a cessé de décliner. Par conséquent, en 1956, certes, on avait quelques raisons de s'inquiéter, et en particulier de ce qui se préparait, de ce qui venait de se produire en Indochine et de ce qui se préparait en Afrique du Nord. Mais les jeux n'étaient pas faits. Et par conséquent, tous les espoirs étaient permis encore. L'Algérie, à titre d'exemple, comptait 9 millions d'habitants, dont 8 millions de musulmans. Elle compte aujourd'hui plus de 40 millions, et en comptera sans doute dans 30 ans 70. Dont 70 millions de musulmans. De musulmans, exclusivement, puisque les Européens et les musulmans fidèles ont été chassés. Et les Harkis ont été massacrés, il faut le dire, à la suite de la trahison par l'État français et par l'armée française, disons-le. Je ne suis pas de ceux qui ont l'habitude de battre sa coulpe publiquement, mais à partir du moment où même M. Hollande le reconnaît, après tout, lui qui était l'ami des porteurs de valises, s'il ne les a pas portés lui-même, eh bien, donc je peux moi aussi rappeler le sort tragique de ceux qui souvent ont fait confiance à la France et ont été trahis par elle. Et alors, deuxième flash, c'était en 86. Là, vous êtes élu pour la troisième fois, mais enfin, c'est le grand retour. Et c'était il y a 30 ans, c'était avec Chirac, la première cohabitation. Eh bien, alors, quel jugement portez-vous sur ce moment-là? Parce que là aussi, il me semble qu'il y a eu un espoir énorme. Parce qu'on se disait, moi je me souviens, je participais à ces élections, et on se disait, le RPR et l'UDF reprennent la plateforme, plus ou moins, du Front National, oui. Ça va changer, ça va changer. Oui, voilà. il eût été tout à fait possible que Jacques Chirac, qui n'avait pas obtenu la majorité à l'Assemblée nationale, et qui aurait pu, par un geste politique, y intégrer éventuellement, si le groupe Front National avait accepté les conditions de la coalition, peut-être mener une politique différente. Mais Jacques Chirac haïssait le Front National et l'a combattu tout du long, et on l'a vu d'une manière absolument évidente en 2002, où il n'a pas respecté les règles élémentaires de la loyauté du débat politique, en se refusant en particulier aux deux débats prévus. Mais déjà en 81, il l'avait fait retirer de ma liste de parrains. Quelques semaines avant le dépôt des listes, il avait fait retirer 100 maires chiraciens qui ont obéi à la consigne de retirer leur... Et ce qui m'a empêché d'être candidat en 81. Ah, ça, c'est quelque chose que j'ignorais totalement. Il a fait pression. Ben, il faudra bien que vous lisiez mes mémoires pour savoir ce qui s'est passé. Où sont-elles, justement? Dans un certain nombre de cas. Justement, quel est le projet d'avancement? Ah ben écoutez, ça avance lentement, mais j'espère quand même que l'année prochaine, je serai en mesure de publier le premier tome. Je crois que je ne pourrais pas faire moins de deux tomes, ayant chacun une période, disons, de 44 ans chacun. Et encore, le premier remonte bien au-delà de ma naissance, puisqu'il intègre mes origines, qui sont non pas seulement françaises, je ne suis pas seulement de souche, je suis de souche morbihanaise, exclusive, c'est vous dire, et laboureuse. Laboureuse de la terre pour la plupart, et laboureuse de la mer pour mon père et mon grand-père. Mais, donc, si vous voulez, je pense pouvoir sortir le tome, le premier tome, qui ira jusqu'à la fondation du Front National, mais qui intègre beaucoup de choses, en particulier le drame de l'Algérie, la campagne Tixier et beaucoup d'autres choses. Et puis, le deuxième tome, sont des périodes plus connues, les années du Front National. Très bien. Alors, je me souviens qu'en 1985, j'avais interviewé Jacques Chirac, qui m'avait dit que vous n'étiez pas un fasciste, mais que vous n'aviez pas les mêmes valeurs. Alors, cette question des valeurs me semble vraiment, comment dirais-je, tout à fait intéressante, parce qu'on vous reproche généralement d'avoir des mauvaises valeurs, d'exciter les bas instincts et la haine, et à l'inverse, vos adversaires ont des valeurs humanistes très élevées. Alors j'aimerais que vous, on passe un petit peu de temps, que vous essayiez de définir quelles sont, à votre avis, leurs valeurs, ou anti-valeurs d'ailleurs, et quelles sont, à votre avis, vos valeurs, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes justement battu pendant tout ce temps, aussi bien militairement, quand il a fallu faire la guerre, des guerres de décolonisation, que politiquement, le reste du temps. La première valeur en politique, en tous les cas, c'est la patrie. C'est le respect et l'amour de la communauté nationale à laquelle on appartient et à laquelle on peut même être appelé à faire le sacrifice de sa liberté ou de sa vie. C'est la patrie qui intègre le passé de la nation, de ses grandeurs, de ses misères, de ses injustices et de ses gloires. Quand mon père m'a fait à Paris en 1938, j'avais 10 ans, le voyage initiatique de Paris, l'une des premières étapes était l'hôtel des Invalides et le tombeau de l'empereur Napoléon. Savoir qu'aujourd'hui, Napoléon ne figure plus dans les manuels d'histoire de nos enfants, les manuels d'histoire de l'école gratuite, laïque, obligatoire, quelque chose d'extraordinaire. C'est le dévouement qui est une forme de la charité chrétienne qui nous était enseignée. Vous savez, je crois que les institutions françaises, malgré la Révolution française et malgré les efforts de la maçonnerie, a largement été formatée par la religion catholique, la religion chrétienne en tout cas, et même catholique. Et que l'actuelle décadence de notre pays est consécutive en fait à l'affaissement de la religion, qui a entraîné en quelque sorte l'édifice qu'elle fondait et qu'elle soutenait. Et la décadence de notre pays touche maintenant pratiquement tous les niveaux d'activité et tous les secteurs d'activité. C'est ce qui pourrait rendre pessimiste si on avait l'espoir chevillé au cœur, et si on n'avait pas, grâce à Jeanne d'ailleurs, entre autres, l'espérance que dans des circonstances très difficiles et même très improbables, la France a réussi à se maintenir à la place qui lui avait été sans doute fixée par le destin, mais aussi par peut-être Dieu. Donc c'est l'enracinement de la France, double enracinement dans la terre et dans le ciel. Oui, absolument. Ça touche à l'ensemble des sentiments humains, depuis les plus biologiques, dirais-je, aux plus éthérés. Et alors à l'inverse, parce que je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à ajouter à ça, tout est dit. Donc à l'inverse, comment qualifieriez-vous les autres? L'inverse, c'est l'utopie, c'est l'individualisme humaniste, la volonté, dans le fond, de nier Dieu et de mettre l'homme à sa place. C'était la, en quelque sorte le rêve des Lumières, mais c'était, selon moi, une utopie, une erreur. Et par conséquent, nous avons desséché l'âme de notre pays et arraché du cœur, ou tenté d'arracher du cœur de nos concitoyens ce qui faisait l'espérance de leur vie. Parce que Homo natus demoliere, bevi vins tempore, c'est le premier, la première ligne de l'Office des morts, l'homme né de la femme est a une vie brève, et cette vie brève, elle se déroule dans le sein d'une famille dans laquelle on est et sans laquelle on ne serait rien, on ne vivrait pas si les parents ne s'occupaient pas pendant longtemps de leurs enfants, de leur subsistance, de leur sécurité, de leur santé. Et puis, la lignée dont on vient, qui remonte à quelques siècles, c'est à peine si la plupart de nos concitoyens connaissent leurs origines au-delà d'un siècle, mais nous savons que nous avons été précédés par des gens qui ont vécu, souffert, lutté, et qui ont été emportés par l'inéluctable issue de notre vie, et l'espérance et les devoirs que nous avons à l'égard de ceux qui viennent de nous, que nous pouvons voir quand ils sont nés, nos enfants, nos petits-enfants, et même, dans mon cas, même une arrière-petite-fille, pour commencer, j'espère, l'espérance qu'ils connaîtront, eux aussi, la liberté, la sécurité, le relatif confort que nous avons pu connaître d'une façon exceptionnelle par rapport aux siècles qui se sont succédés. Alors, nos adversaires, eux, réputent que la justice et la vie ne sont que sur la terre, et que par conséquent, ce sont les institutions terrestres qui doivent fournir cette aspiration, combler cette aspiration immense de bonheur qui est dans l'âme de tous les êtres humains. Nous avons, enfin moi j'ai en tout cas une autre espérance qui compense les difficultés que l'on peut avoir à réussir son bonheur sur notre terre, en espérant que s'il n'a pas été réalisé, il le soit dans d'autres lieux. On pourrait vous définir comme un homme pieux à la romaine, vous êtes pieux envers votre famille, pieux envers la patrie et pieux envers le ciel alors. Oui, oui. Oh. Humblement pieux. Oui, je ne dis pas parfait, j'entends bien. Mon Dieu, non, mais je remercie tout de même les miens. Mes parents, mes grands-parents, mes maîtres, mes condisciples, mes camarades, les militants avec lesquels je me suis battu, parce que dans le fond, j'ai vécu une vie chaleureuse, affective, loin des sécheresses ou des calculs, prenant des coups, en donnant, répondant quand il fallait. Et puis, somme toute, je suis assez heureux de la vie que j'ai pu mener, mais je me désole de voir que c'est dans un pays qui est malheureusement menacé dans son existence même, et pas seulement dans sa liberté. Dans son existence physique et morale, Jérôme. Oui. Est-ce que vous avez la nostalgie de la France que vous avez connue dans votre enfance et votre jeunesse? N'était-elle pas plus douce? Bien sûr, un petit peu, parce que mon enfance, c'est l'avant-guerre. Nous sommes encore une puissance mondiale, nous le croyons en tout cas, parce que la guerre de 14-18 sans doute nous a affaiblis d'une façon que nous n'avons sans doute pas appréciée à sa véritable valeur. Nous avons perdu 1 500 000 hommes tués, sans parler des blessés, des 3 millions et des boussières. De la perte de substance qu'a constitué cette terrible épreuve, et nous allions la recommencer un petit peu plus tard d'ailleurs, mais dans le temps qui a séparé les deux guerres, nous étions encore une grande puissance coloniale et fière de ce qu'elle était. Et moi, je le suis toujours, je tiens à dire. J'ai absolument pas le complexe de culpabilité coloniale. Je considère que la France, et encore en rappelant quand même que l'idée coloniale est une idée de gauche, d'ailleurs, hein. C'est Ferry, c'était la volonté de faire profiter des peuples qu'on estimait moins évolués que les nôtres des bénéfices de la République, de la démocratie, du progrès. Du progrès, que des lumières. Encore. J'étais fier de mon pays. Nous avions la troisième flotte mondiale, je crois. Et entre j'avais lumières, l'occasion oui. de la voir en bête qui bronze tous les ans au mois d'août. L'escadre d'Atlantique avec ses énormes cuirassés, nous avions les contre-torpilleurs et les torpilleurs les plus rapides du monde, les croiseurs les plus extraordinaires. J'étais fier de mon pays. Et puis là, a commencé la série des épreuves sur le terrain, c'est-à-dire déjà la défaite, l'occupation. La libération, puis les guerres coloniales les unes après les autres, la tentative de la France de rester une grande puissance, et puis son exigence à l'égard de sa jeunesse, mobilisée tout de même en Algérie, etc., avec beaucoup de déceptions à la clé, beaucoup de souffrances, de désillusion, et cependant toujours chevillé au corps, comme je disais tout à l'heure, l'espoir que, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, que la vie commence toujours demain, que la France est un pays missionné, qu'il y a donc dans le destin français quelque chose qui nous échappe et qui ne tient pas seulement à nos faibles forces. C'est ce qui... me console quelquefois des déceptions. De tous les présidents de la République depuis la Libération, quel est selon vous, qui avez bien connu toutes les périodes depuis cette époque, quel est à votre avis le plus calamiteux ? Et à l'inverse, celui qui vous paraît peut-être le moins mauvais, avec le recul ? Plus calamiteux ? À quel moment ? Ça, c'est une colle, oui. Oui. Parce que je crois que vous aviez dit à un moment donné que c'était selon vous Chirac, mais bon... Ça pourrait être Chirac, mais le général de Gaulle s'aligne aussi dans cette compétition qui fut la grande déception de ma jeunesse, qui croyait qu'il serait le grand réconciliateur des Français et qui a vu au contraire se perpétuer les divisions, augmenter... l'importance du Parti communiste et de la gauche, l'échec de ses tentatives politiques. Vous savez, il y a une chose qui m'avait choqué pendant la guerre. Je n'écoutais la radio, interdite, bien sûr, à l'époque, mais que pendant les vacances, parce que au collège, il n'y avait pas de radio, et en plus, plus tard, dans l'armée, j'ai pas... toujours la possibilité de suivre les événements, mais ce qui m'avait choqué, c'est qu'il me semblait que Radio Londres était beaucoup plus anti-Vichy qu'anti-Berlin. C'est-à-dire que l'ennemi c'était le gouvernement français, dont j'imaginais, bien sûr, puisque je le vivais moi-même, les difficultés à l'échelon du pays, celles que nous vivions à l'échelon individuel. Et le message de combat qui nous venait de Londres était un message de combat contre Pétain, contre Vichy. Et d'ailleurs, dans les causes de mon exclusion, j'ai pu voir que j'avais dit que le général maréchal Pétain n'était pas un traître et que le traitement qu'il avait subi à la Libération était particulièrement cruel et même, je pense, injuste. Bon, c'est dire que je suis sévère avec ce qui a été quand même le grand homme en tout cas considéré comme tel, de la deuxième moitié du XXe siècle. Il n'a pas su faire la paix civile. Non, malheureusement. Et puis Chirac, qui était un pauvre homme, dans le fond. Alors, on ne tire pas sur les corbillards, on ne tire pas sur les ambulances. Alors, vous me dispenserez d'aller plus loin dans ma critique. Alors, les présidents bien... Je sais pas, le président Coty me paraît être un honnête homme qui est à la hauteur des institutions qui étaient celles de la 4e République. Il a même très finalement, il s'est bien sorti de l'affaire du 13 mai, de la fin de la 4e République, qui était un désordre innommable. C'était pas facile. Il savait qu'il y avait un complot militaire pour mettre au pouvoir le général de Gaulle, et il a essayé de faire que ça se fasse dans un cadre légal, ce qui était une habileté et, à mon avis, un service rendu au pays. Et sans effusion de sang, en plus. Donc, je dirais, oui, c'est assez bien. Quelques petits messages de nos auditeurs. Monsieur Le Pen, ça fait 40 ans que je vote pour vous, mais je ne peux pas laisser dire que la France a trahi l'hierarchie. C'est monsieur De Gaulle qui a trahi l'hierarchie, mais c'est ce que vous avez dit, me semble-t-il. Oui, mais enfin, il y a une chose qui tout de même m'a choqué, c'est que l'armée est restée l'arme au pied. Oui, elle a suivi. Aux ordres du gouvernement français, je vous l'accorde, je l'accorde à votre interlocuteur. Mais tout de même, l'honneur a été sauvé, il faut le dire, par un capitaine musulman qui, lui, avec sa compagnie, est allé libérer les civils qui étaient détenus sur le terrain de sport de Oran. Et il leur a sauvé la vie et il a pris les risques. Et je crois qu'il s'est fait dire « si vous n'étiez pas musulman, je vous aurais cassé ». Au moins, c'est clair. Merci de recevoir M. Le Pen, toujours en pleine forme. En effet, il est bien d'origine morbihanaise. Ma mère, c'est un monsieur qui disait, ma mère Trinité de Souche a connu enfant la grand-mère de M. Le Pen qui vendait des sardines dans une brouette en disant à la fraîche. Et mon grand-père disait que M. Le Pen, père, mort en mère, était la plus belle figure de la Trinité. Bien cordialement, M. Aubin, c'est quelqu'un que vous connaissez? Écoutez... Voilà. Qu'il soit salué. Bon, sinon, c'est... Ah, si, une question. Est-ce que vous savez, le samedi 15, à Grimaud, à quelle heure est votre... Parce que... Mais c'est un déjeuner. C'est un déjeuner, voilà. Alors, ça doit être midi, midi 30, je pense. Quelque chose comme ça. Bon, alors c'est midi, midi 30. La réponse, c'est maintenant, renseignez-vous pour plus de précisions. Une question, monsieur Le Pen. Comment adhérer au mouvement Jeanne au secours? Eh bien, il faut écrire 8 parcs de Montretout qui, provisoirement au moins, abritent le bureau provisoire de Jeanne au secours. Bon, donc 8 parcs de Montretout à Saint-Cloud. D'accord. 98-210. Saint-Cloud. Oui, 92-210. 92-210. 92-210, pardon. Saint-Cloud. Jérôme, une question? Oui, quel est le plus grand regret, si regret il y a, de votre vie politique? Mon plus grand regret, je vais le dire d'ailleurs dans mes mémoires, c'est d'avoir fait désigner Jean-Louis Tixier-Vignancourt comme candidat du CECON, c'est-à-dire du comité pour l'élection du candidat d'opposition nationale, parce que le soir de son élection, enfin de son élection, du résultat électoral, il avait fait 5,5%. D'une part, il a, sans consulter personne, apporté son désistement à François Mitterrand, d'une part, et d'autre part, il a créé un petit mouvement qui s'appelait l'ARLP, l'Alliance républicaine pour les libertés et le progrès, et ceci à seule fin de négocier avec Jean Le Canuet 5 investitures législatives, alors que moi j'avais créé le comité Tixier et fait désigner Tixier-Vignancourt contre l'avis du comité, presque unanime, pour faire le Front National. L'objectif 100 000 adhérents sans fédération, cet objectif était atteint en 1965, le projet partait de 63 et aboutissait en 65, et malheureusement, l'herbe nous a été coupée sous le pied, et il a fallu attendre de 65 à 84, c'est-à-dire 20 ans, avant que renaisse un espoir d'action nationale. Et oh, je pense qu'il ne l'avait pas fait avec méchanceté, simplement, de façon très égoïste. Il avait bénéficié d'une mise sur orbite médiatique grâce à cette candidature, et bah, il espérait en tirer le bénéfice personnel que cela pouvait lui apporter, nonobstant ses camarades, ses amis, tous ceux qui avaient travaillé pour sa campagne. C'est un des regrets, c'est peut-être le regret de ma vie. J'ai peut-être péché là par excès de modestie. J'aurais peut-être dû être moi-même candidat et accepter la responsabilité de porter le combat national à ce niveau. Parce qu'après tout, vous aviez quand même été élu deux fois député en 56-58. Absolument. Et puis j'étais président du Front National des Combattants et des organisations qui lui ont succédé au fur et à mesure qu'elles étaient dissoutes par le gouvernement à la suite de chaque épisode triste de la défaite algérienne. Alors, on vous accuse parfois dans l'entourage de Marine Le Pen ou ailleurs d'être un diviseur. Or, si on regarde justement dans votre histoire, on voit que le FNUF, c'est le Front National de l'Unité Française. Vous avez plutôt une obsession de l'unité, plutôt. Mais moi, j'ai toujours essayé de rassembler les gens du plus loin possible. Et quelquefois des gens qui s'étaient combattus pendant la guerre, en particulier, qui avaient fait la guerre dans des camps différents et qui acceptaient, après raisonnement et discussion, de mener un combat commun pour l'avenir, même si le passé les avait divisés. Non, au contraire, je crois que j'ai toujours fait un effort pour rassembler les gens. Ça n'a pas toujours été avec succès, mais ça a toujours été, en tous les cas, dans mon intention, tant nous avons été la cible de toutes les forces réunies. Je me permets de vous rappeler ce qu'un auteur, je crois que c'est M. Daoudal, a consacré un livre qui s'appelait « Le tour infernal », le deuxième tour de l'élection de 2002, où ma candidature fait l'unanimité contre elle. Ah, ça, c'était brillant. Depuis l'Assemblée des évêques, en passant par la CGT, le Parti communiste, les organisations patronales, toutes les organisations, les enfants des écoles avec les panneaux « Mort à Le Pen », enfin, etc., etc. Et je pense que cette marche militante qu'a été la vie du Front National pendant 45 ans est quelque chose, somme toute, d'assez admirable, assez respectable. Et ceci est dû aux efforts qui ont coûté cher aux gens, à tous les échelons, des militants, des militantes, des responsables. Beaucoup de gens ont perdu leur situation, leur santé, quelquefois leur vie même, dans ce combat national envers et contre tous, à contre-flot, à contre-courant, à contre-vent. Et c'est, je pense, l'honneur des nationaux de n'avoir pas accepté de se laisser emporter par le courant somnolent de la décadence. Et ce que vous dites sur les militants de base me semble tout à fait primordial, parce qu'ils sont en plus généralement présentés comme presque des bêtes, des beaufs, des gens bêtes, sans honneur, et c'est eux qui ont fait un travail extraordinaire. Vous savez, il y en a eu de toute race. Il y avait dans les auditoires du Front National, il y avait des dockers, mais il y avait des amiraux. Voilà. Il y avait des avocats, il y avait des ouvriers, il y avait des agriculteurs. C'était la France. D'ailleurs, la première fois que j'avais posé à Poujade la question, je voudrais savoir à qui vous parlez. Et il m'avait invité à Blois. Et il y avait là environ 3 000 personnes. Et avec de Marquet et nos petites amies. On avait amené nos petites amies avec nous car on voulait avoir l'avis des femmes sur le sujet. Et ces 3 000 personnes, j'ai regardé, j'ai eu une formule qui a fait balle. D'ailleurs, à l'époque, j'ai dit, mais c'est un régiment d'infanterie en civil.